Chapitre 14. Le maître du monde. Le lendemain, le président du conseil était occupé à lire le rapport définitif du général commandant les troupes envoyées pour défendre la forêt d'Orléans, et malgré le quasi-succès obtenu lors de la première manifestation des Rajisrak, le ministre ressentait une véritable angoisse. Averti par la chaleur qui recommença vers 10 heures du soir, le général avait de nouveau fait ouvrir le feu, mais vainement cette fois. La chaleur ne cessa d'augmenter jusqu'au moment où le sinistre éclata dans un coin de la forêt, à la lisière ouest. C'était un désastre. Les morts étaient nombreux, des caissons d'artillerie ayant sauté. La forêt était presque entièrement détruite. Le ministre en était là quand un huissier apporta une large enveloppe scellée d'un gros cachet de cire d'or. « Qui a remis cela ?»« Un homme qui a dit que monsieur le président devait être éveillé s'il dormait, et qui est parti sans rien ajouter. C'est bien, allez. » Resté seul, le président du conseil tourna et retourna la large enveloppe, l'examinant curieusement à cause du cachet qui lui donnait un certain air étrange. Puis il l'ouvrit. La feuille que contenait l'enveloppe était double. En haut, elle portait un curieux dessin enluminé. Deux triangles accolés, l'un la pointe en l'air est rouge, l'autre la pointe en bas est bleue. Ce document qui plongea le ministre dans un désarroi complet était ainsi conçu. « Moi, maître des éléments, du feu, de la glace et du vent, je dis. Au président du Conseil de France, aux envoyés des autres pays nommés dans la présente missive, l'heure est venue. Demain, au milieu du jour, celui qui détient tout pouvoir se présentera seul au ministère de l'Intérieur pour y dicter les conditions de la paix du monde. » Les ministres d'Angleterre, d'Amérique, d'Italie sont sommés de se rendre à cette convocation. Pendant toute la durée de ma présence dans l'hôtel du ministère, le danger suspendu sur Paris répondra de ma vie. Si la moindre tentative était dirigée contre ma personne, la ville cesserait d'exister avant la nuit et il n'y aurait plus que cendres là où Paris aurait été. Les conditions posées ne pourront être modifiées. Il faudra y souscrire ou craindre les pires catastrophes. Celui qui commande et qui veut être obéi. » La stupéfaction du ministre fut telle qu'il resta sans faire un mouvement. La feuille tremblait entre ses doigts. Affolé, il se précipita à l'Élysée. Le président de la République le reçut immédiatement. Les deux hommes d'État causèrent longuement. Des huissiers, par la suite, racontèrent qu'il y eut des exclamations, des éclats de voix. Une heure après son arrivée, le ministre quitta le président et revint au ministère. Alors le téléphone, les cyclistes, tous les moyens de communication rapides furent mis en jeu. Les ambassadeurs visés dans l'arrogante missive furent prévenus. L'imprimerie nationale reçut à composer, pour le matin même, ainsi que l'imprimerie du journal officiel, une affiche qui devait être apposée, aux premières heures du jour, sur toutes les surfaces pouvant la recevoir. Les troupes cantonnées aux environs de Paris devaient se rassembler, avec leur matériel, sur pied de guerre. Enfin, tous les directeurs de journaux furent appelés immédiatement, c'est-à-dire entre 2 et 3 heures. Puis les ministres furent informés qu'un conseil extraordinaire aurait lieu à 6 heures du matin à l'Élysée. Dans l'esprit du ministre, il n'était pas question de prendre au cours de ce conseil des mesures, d'y préparer une résistance, mais seulement de faire connaître ce qui avait été décidé à la suite de la stupéfiante mise en demeure. Les directeurs de journaux, introduits à 2 heures et demie, reçurent au nom de la patrie en danger l'ordre de ne rien dire des événements qui se préparaient et qu'ils connaissaient, car fidèles à la tactique qu'ils avaient toujours suivie, les Rajisrak avaient fait passer aux journaux des notes leur annonçant ce qui allait avoir lieu. Il fut arrêté que les journaux reproduiraient purement et simplement l'affiche que le gouvernement allait faire poser. À 3 heures du matin, le ministre était informé que les troupes alertées étaient en route. Des patrouilles de gardes républicains et de dragons furent mises en marche. Pour diminuer les dangers d'explosion, on décida que les gazomètres n'enverraient de gaz nulle part à partir de midi. Enfin, toutes ces mesures adoptées, le ministre se jeta sur un divan. Incapable de s'engourdir dans le sommeil, il put cependant accorder un peu de repos à son corps exténué. Au tout petit matin, une armée d'afficheurs se répandit dans la capitale, qui fut bientôt couverte de ces affiches, dont on peut lire encore le texte conservé à la Bibliothèque nationale. République française au peuple. L'état de guerre est proclamé, la censure est rétablie. La population est prévenue qu'aujourd'hui, ainsi que les journées suivantes, sauf contre-ordre, des mouvements de troupes auront lieu autour de Paris et dans la capitale. Le gouvernement compte que chacun conservera son calme. La ville ne court aucun danger, et le gouvernement veillera à ce qu'il en soit toujours ainsi. Cependant, certaines précautions doivent être prises. Le trafic du métropolitain sera suspendu à partir de midi jusqu'à vie contraire. La circulation des voitures et des piétons est également interdite. Toute infraction à cet ordre sera punie de 15 jours à 1 mois de prison et d'une amende de 50 à 500 francs. Les particuliers et les établissements publics sont prévenus que la fourniture de gaz et de l'électricité sera suspendue à partir de midi jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de désordre sera passible des tribunaux militaires. Des sonneries de cloches et la berloque annonceront la cessation de cet état de choses. La population doit garder son sang-froid.